Elle fume toujours. Elle ne fume plus. Il pleut encore. Il ne pleut plus. Tu es toujours à l'heure. Tu n'es jamais à l'heure. J'ai encore faim. Je n'ai plus faim. Ils sont déjà à la retraite. Ils ne sont pas encore à la retraite. Elle est déjà mariée. Elle n'est pas encore mariée. Je bois parfois du vin. Je ne bois jamais de vin. Elle est toujours contente. Elle n'est jamais contente. Je travaille quelquefois le samedi. Je ne travaille jamais le samedi.